C'est quoi ton son de merde là? Les conseils de Gérard. Salut, c'est moi. Seul. Bon, il m'en fera un autre quand même. Parce que celui-là, il est vraiment à chier, il est vraiment nul. Putain, sans déconner, c'est le flop total son jingle. Bravo Olivier de la Pro, hein. Bravo. Alors là, franchement. C'est quoi cette merde? Ah non, c'est un jingle, ça met la patate ça, hein. Écoute. C'est quoi ton son de merde là? Les conseils de Gérard. Salut, c'est moi. Seul. Oh, bah, c'est bien. Bon, il faut mettre un peu plus de pêche quand même dans les jingles, hein. Mon petit GG, on va commencer tout de suite. Donc, les conseils de Gérard, puisque ça fait partie de l'émission entre 21h et 22h. Max vous rend service, mais je peux rendre service par l'intermédiaire de Gérard. Et comme Gérard est là et que les conseils de Gérard sont bons, on y va, c'est parti Gérard, avec qui sommes-nous? Alors, on va accueillir Lucie, 27 ans de Toulouse. Bonsoir à toi Lucie. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Salut. Donc, alors, je t'écoute. Voilà, mon problème, c'est que je vais me marier au mois de mars prochain. Ouais. On a arrêté la date et tout. Seulement, je sais pas du tout comment on organise un mariage, parce que j'ai jamais été invitée à un mariage. Mmh. Donc, au niveau dessert-part, au niveau... T'es avec un portable? Pas du tout. Ben, c'est quoi ce bruit? Ça vient de chez vous, je pense. Non, c'est bon. Donc, alors, donc tu dis que tu te maries au mois de mars, au mois de mars, ça? Ouais. Donc déjà pour commencer, t'as déjà commencé à préparer les cartons d'invitation, tout ça? Bah non, je sais pas comment faut faire en fait. Bon, tu vois, déjà faut que tu voyes avec ton copain, avec ton futur mari. Mon futur époux, oui. Donc de voir combien vous allez être de personnes pour ça. Ouais. Donc voir la salle. Mmh. Où vous allez le faire, voir si déjà bon, les faire-part c'est simple, hein, tu vas dans un machin d'imprimerie là qui est à l'heure actuelle. Ouais. Tu sais, des trucs où tu fais des photocopies. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'essayes de voir avec lui ce que vous voulez mettre comme petite en-tête. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc? Bon, tu fais un petit cœur ou un genre de mariée si tu veux. Mm-hmm. Et tu dis voilà, je vous invite pour le mariage qui aura lieu telle date à telle heure. Mm-hmm. Tu précises bien l'endroit parce que c'est pas évident si les gens viennent en voiture, tout ça. Mm-hmm. Bon, donc après. Donc, tu veux la date, le nombre de personnes. Mm-hmm. Donc, faut déjà que tu voyes, pour la salle avant, puis que tout le monde te réponde. Hein. De toute manière, ouais. T'essayes que tout le monde te réponde en même temps. Faut que j'invite combien de personnes à peu près? Ben, ça dépend combien que tu seras toi de ton côté dans ta famille et lui de son côté aussi. Hein. Ouais, mais enfin bon, on n'est pas beaucoup dans notre famille, donc j'aurais que ce soit un grand mariage, donc je pourrais inviter des gens comme ça, quoi. Ouais, ben, si tu connais d'autres personnes et puis lui qui connaît du monde dans son entourage, ça sera aussi bien aussi. Hein. Mm-hmm. Donc, par contre, il faudrait que tu t'y prennes bien. Là, on est au mois de fin août, quasiment. Ouais. Donc, le mois de mars arrive à grands pas. À grands pas, oui, c'est pour ça. Donc, déjà, il faudrait que tu t'essayes de te renseigner du prix de la salle. Ouais. Hein, pour commencer. Faut que je mette à peu près combien dans la salle? Bon, ça dépend du nombre de personnes que vous allez être. Hein, parce 300 que pour... balles, ça va? Oh non, quand même pas 300 balles pour une salle. Hein. Si, peut-être que pour 300 balles, t'auras une salle, mais pour voir s'il y aura une piste de danse, parce que la musique, qui c'est qui vous la prend? Bah justement, ça non plus, je sais pas si j'emmène ma chanifi ou mon manche-disque ou... Mais ton futur époux, il connaît pas quelqu'un qui pourrait t'organiser la soirée? Bah non, écoute... Parce que s'il pouvait connaître quelqu'un pour organiser ta soirée, mm-hmm. Donc dans ce cas-là, ça va à toi de voir et puis lui, d'essayer de contacter quelqu'un qui connaisse comme DJ. Un DJ, par exemple? Bah ouais, un DJ, ça serait bien, ça. Hein. Ouais, qui t'amène tout le matos et puis que vous voyez avec lui pour le prix. Il faudrait que je vois que Carl Cox, par exemple, qui fait en mars. Bah non. Ah, non. Non, quand même pas, il faut pas déconner. Non, pas déjà des personnes comme ça, parce que là... Non, mais c'est que lui, c'est pour ça. Ouais, non, mais dans ton entourage, tu peux essayer d'en parler hein, déjà, mm-hmm. pour commencer. Bah oui. Bon, de voir s'il y a la musique, donc c'est bon. La salle, on l'a vu. Le nombre de personnes, c'est pareil. La date, on l'a. Bon, ouais. C'est savoir, est-ce que ça sera un buffet campagnard ou... ouais. Bah ça non plus, j'en sais rien. Tu me conseilles quoi? Moi, je compte à peu près 120. Hein. 120 personnes? Oh, à peu près, ouais. Ouais, 120, à la rigueur. Bon, peut-être un buffet campagnard, comme ça, les gens qu'on mange se serviront eux-mêmes. Hein. Mm-hmm. Donc, ouais, en plus Gérard, je crois que à l'époque quand t'aurais dû te marier, quand t'as failli te marier, c'est ce que t'avais prévu quoi. Ouais, un buffet campagnard, c'était largement suffisant, comme ça les gens chacun se servait. Voilà. Ouais, faut que je compte combien à peu près pour par tête de pipe? Tu comptes 120 personnes, tu essayes d'avoir des prix pour les traiteurs. Tu crois qu'on peut avoir des prix dans ces cas-là, Gérard? Ça peut se faire, oui. Ah ouais, c'est envisageable. On peut avoir des prix, ouais. En allant voir correctement, en lui demandant déjà le prix en premier, et après tu vois par la suite. Hein. Quel genre de menu, Gérard, justement par exemple, pour un dîner campagnard, parce que c'est un très bon exemple, il y a peut-être des gens qui vont se marier dans l'année 99-2000, alors qu'est-ce qu'il faut mettre, l'idéal, en entrée, plat, dessert? En entrée, tu mets des trucs froids, style salade de riz, tu vois, pas un truc pas trop cher, quoi. Ouais, un truc. C'est bien pour un mariage, une salade de riz. Une salade niçoise mélangée, tu vois. Tu fais ça, tu fais deux, trois entrées. Ah, en parlant de niçoise et tout, excusez-moi. Oui. tu fais ça. C'est ma mascotte. Quand je l'entends ce son, je la vois. Après, après tu fais tu vois, avec le traiteur, de toute manière, lui, il va te faire un tarif. Ouais. Selon le tarif, déjà, de voir de combien que tu disposes, parce qu'il y a la location de salle, il y aura la musique à louer, ouais, plus ton repas. Pour 1000 francs, c'est bon. Ah hein. Le champagne, tu crois que la pièce montée, tu penses aussi derrière. Ah non, je pensais pas du tout à la pièce montée. Et pour un mariage, t'as le vin d'honneur déjà, ouais, pour commencer. Faut mettre quoi comme vin, de la bière Tu peux soit des boissons pas trop alcoolisées, parce qu'avec si vous prenez tous les voitures à moitié ça sera pas bon. Mais le mieux, c'est que tu te renseignes déjà dès maintenant, de voir des traiteurs, de leur demander les prix qui peuvent te donner. Ouais. Et eux, ils vont me dire. Aïe. Eux, ils vont me dire. Manu. J'essaye, mais c'est. Et oui, par rapport aux chiffres que tu as. Ouais. De voir. Oh final, hein, oh, Manu. Putain, c'est bon, ça y est. Tu commences à m'énerver, Manu. C'est alors. Bon. Donc voilà le renseignement qu'on pouvait donner quand même à cette charmante demoiselle, qu'on en a d'autres qui arrivent derrière. Mais les faire part, tu essayes de te renseigner tout de suite. Hein. D'accord, faut que je m'y mette maintenant, t'as raison. Ah, Okay. C'est super sympa, je vais penser à ça, la salade de riz, c'est une super idée. Et puis, c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Pour le reste, tu te démerdes. Hein. Oui, je pense que oui. Non, mais t'essayes de voir avec ton futur époux comment que ça se passe. Hein. D'accord. Okay. On t'embrasse. On va faire part, Gérard. D'accord. Ah bah ouais. On va à 22 rue Bayard. Exactement. Voilà, attention, les conseils de Gérard tout seul continuent avec cette fois-ci. Guillaume, 26 ans de Paris. Bonsoir à toi, Guillaume. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Ça va? Oui. Ça fait plaisir. Mais c'est bon, c'est bien. Alors, on y va. On attaque parce qu'il reste encore une personne derrière. Comment? Tu dis à toi, celui qui est derrière toi, qui se calme. Merci. Michel. Non, mais tu lui dis qu'il se calme, ou sinon je passe à quelqu'un d'autre tout de suite. Non, mais c'est mon petit frère, il joue à la console. Ouais, non, mais tu lui dis qu'il se calme, d'accord? Ok, pas de problème. Donc, alors, je t'écoute. Alors, moi j'ai 26 ans, j'habite Paris, hein, comme j'ai dit. Ouais. Et je vais être papa. Tu vois, donc avec ma copine, ça se passe bien et tout. Ouais. Et on a un problème, on sait pas trop quel prénom on va choisir suivant le sexe de l'enfant, quoi. Parce que elle a fait l'échographie, mais ça se voit pas encore. Mais elle est enceinte depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. Ah ouais, non mais attends, tu peux pas le savoir tout de suite, hein, le sexe du bébé. C'est bien ce que je te dis. Donc 2 semaines, attends, faut attendre au moins 3 mois, hein. Ah non. Là, en 2 semaines, tu peux pas voir grand-chose, hein. C'est justement, je sais pas encore le sexe, alors faut qu'on choisisse un prénom suivant le sexe, et on n'est pas trop encore au courant, quoi. Ouais, mais tu sais pas encore si ça sera une fille ou un garçon. C'est pour ça, je veux un petit conseil de ta part, histoire que tu puisses me conseiller des prénoms de garçons et de filles, quoi. Ouais, mais t'as des noms que de préférence? Déjà, une chose précise, enfin, tu vois, c'est pas pour te vexer, mais je l'appellerai jamais Gérard. Mm-hmm. De toute manière, déjà pour commencer, il sera obligé de porter le ton nom ou le nom de ta copine. Hein. Ça, tu peux pourquoi pas. Ah bah si, c'est obligatoire. Hein. Ah non, bah non. Ah si. En ça, je suis désolé, c'est obligatoire. Parce que le maire de ma ville, il y a moyen de s'arranger. Vu que tu vas le reconnaître, et puis elle va le reconnaître aussi. Je veux pas de problème. Alors dans ces cas-là, je vais te dire une chose, que là, c'est pas, ça sert à rien ton truc. Hein. Il me faut bien un prénom. Guillaume. Ah, tant pis. Hein. Tant pis. Il apportera le nom de ta copine. Hein. Ah mais ma copine, non, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que ça va pas être possible. Mais pourquoi que ça va pas être possible, dis-moi? Je peux pas en parler à l'antenne, c'est trop compliqué. Bon, dans ce cas-là, faudrait que ou Estelle ou Christelle. Ah non, c'est moche, ça, c'est moche. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux pas des prénoms en L, parce qu'après à l'école, on va se foutre d'elle et tout, hirondelle et tout, c'est tout pour. Mais de toute manière, dans toutes les écoles, avec les noms qu'ils ont à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont foutus d'eux, hein. Non. Mais si, moi je te le dis. Quel prénom alors? Bah, je sais pas, mais le nom de fille, t'essayes de voir. On t'a dit quoi quand t'étais à l'école? Bah, moi, rien. Hein. Rien? Bah, non, mais. Pas Gérard Tocard, bâtard connard? Bah, non. Ah, non. Ah, bon. Mais moi, de manière, moi, ça me rentrait dans une oreille et ça ressortait par l'autre. Hein. Bon, pour la fin du conseil, là, parce qu'on s'égare du conseil, là, ouais. On va faire vite parce que. Donc, Gérard, c'est calme. Tu me conseilles quoi? Bah, donc, de manière. C'est, il vient devant ton micro, Gérard, parce qu'avec ce traitement qu'on a, si tu parles pas, on a l'impression que t'es à 10 km. Il sera, de manière, il sera obligé de porter ton nom. Si c'est un garçon. Guillaume, alors. Ah, bah oui. Et après, l'autre prénom, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre comme deuxième prénom. Ah, donc tu peux pas me conseiller? Bah, pour l'instant, si ça fait que deux semaines, tu peux pas avoir le sexe de l'enfant, ça fait que deux semaines déjà. Donc, pour l'instant, je peux rien te conseiller comme nom. Ah, bah, merci Gérard. Il aurait fallu attendre une fois la naissance faite, parce que là, tu nous appelles maintenant, ça fait à peine que deux semaines. Ouais. Donc, je peux vraiment rien faire pour toi, si, à part que tu le reconnaisses et puis que tu lui fasses. Non. Ben, si, tu seras obligé. Ah non, je veux pas de problème. Bon, bah, si tu veux, si tu veux pas avoir de problème, de toute manière, t'auras pas le droit de visite, hein, je te le dis tout de suite, hein. Ah bon? Ah bah, ça, c'est clair et net, hein. Moi, je le garde, le gamin. Non, mais attends, c'est pas toi qui le porte? Bah, non. Bon, bah, alors, tu peux pas le garder comme ça, hein. C'est pas possible non plus, ton histoire. Oh là là. Ouais, bah, c'est comme ça, mon pote, fallait te protéger au lieu de faire un enfant, hein. Bah, là, exactement. Il fallait mettre un pull ou. Et est-ce qu'elle était d'accord? Voilà. Bah, non. Ah, tu y as pas un môme sans qu'elle soit d'accord, elle? Dans le dos? Bah, ouais. Tu y as mis un coup de poignard dans le dos, alors? Ah, non, justement. Bah, si, hein. Bon, allez, on va arrêter là-dessus parce qu'on tournera un peu sur cette histoire de prénom. Enfin bref, voilà, on a essayé de l'aider un petit peu. Il y a un dernier conseil avant qu'on fasse une pause. C'est qui? C'est Sylvain, 22 ans de Toulon. Bonsoir à toi, Sylvain. Salut Sylvain. Salut Gérard. Donc j'ai un petit problème là. Alors écoute, le 11 août, tu sais, il y avait l'éclipse. Ouais. Alors j'ai regardé droit devant l'éclipse, faut bien regarder. Manque de peau, j'avais oublié mes lunettes, tu sais, les petites lunettes là. Ouais. Alors déjà pour commencer. Ouais. Une chose que t'aurais jamais dû faire, c'est tu y as resté combien de temps à la regarder? Ouais. Je sais pas, moi, tout le long de l'éclipse, quoi, 2 heures. Hein? Bah ouais, depuis le début à la fin, quoi. Ah bah d'accord. T'as été consulter un ophtalmo tout de suite ou pas? Ah non. Et voilà. Et alors maintenant, ça t'a servi à quoi? Eh ben. Ça t'a servi que, d'après ce que j'ai pu comprendre, que tu ne voyais plus. Tu vois des couleurs bizarres depuis. Ouais, je vois trouble et tout, je vois couleur vert, là, bleu, machin, rond. Ouais. Ouais, ben, il serait peut-être temps que t'ailles consulter un ophtalmo, mon grand, hein. Carrément? Ah ben. Ouais, mais ça coûte cher, non? Ah ben, de toute manière, dès qu'il l'avait passé, dès que les gens ont. Parce qu'il y a d'autres personnes qu'on regardait l'éclipse comme ça et qu'on était voir tout de suite un ophtalmo, hein. Et alors, ça s'est arrangé ou pas? Ben, il n'y a pas eu trop de dégâts lors de l'éclipse. Et c'était. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs de ce petit conseil que tu vas lui donner pour dire que hier, on a parlé un petit peu et rapidement l'éclipse. De l'éclipse. Et on en touchera un mot un petit peu plus tard dans la soirée. Il y aura surtout un débat demain sur l'éclipse. Voilà, ça, si vous voulez en savoir plus sur l'éclipse, demain minuit, à partir de minuit. Hein. Mmh. Donc le conseil, c'est quoi? C'est que le conseil, c'est qu'il aille voir un ophtalmo, mais là, ça va être dur parce que ça fait déjà, on est le 25, ça fait déjà deux semaines que c'est passé. Mais tu l'as ressenti tout de suite après ou? Non, 2 jours après. Donc 48 heures après. Voilà, ouais. Ouais, normalement c'était 24 heures, hein, ils avaient dit. Ah ouais. Mais. Retard. Ouais, mais les lunettes. Ouais. Dessus, c'était bien marqué CE ou pas? Mais j'avais pas mes lunettes. Oui, non, mais t'avais bien. Non. T'en avais pas du tout. Que dalle. T'avais pas essayé de. Je sais pas, si tu mets un truc noir devant, tu vas rien voir. Bah, de toute manière, les lunettes qu'ils avaient vendues, là, ou qu'ils donnaient, c'était marqué CE dessus pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Ouais. Bah, à mon avis, ils ont eu des problèmes avec les lunettes. Hein. Ah, d'accord. Bon, de toute manière, c'est pas le thème du débat, c'est pas même. Si, c'est pour ton conseil. Bon, le conseil, apparemment, le mieux, c'est que tu ailles voir un ophtalmo, mais que tu ne perdes pas de temps, parce que là, maintenant. Ouais, tout de suite, là, ce soir, ou. Ou même, à la rigueur, tu habites sur Toulon, je crois qu'il y a des hôpitaux là-bas. Ouais, il y a un service. Un peu comme dans toutes les villes, ouais, en fait. Bah, il y a un service d'urgence. Ouais, je crois, ouais. Bah, tu vas aux urgences et tu leur expliques la situation. Tu leur dis, voilà, que tu t'étais pas protégé les yeux pour regarder l'éclipse et que tu ressens quelque chose. Ouais, bah ouais, beaucoup de choses, en fait. Ouais, mais ça, tu vois, déjà, t'aurais pas dû attendre maintenant pour m'appeler, pour te demander ce conseil-là. Bah, ouais. Le faire tout de suite après. Parce qu'ils avaient dit 24 heures après. Donc là, t'as... Ouais, mais j'avais ressenti après 24 heures, en fait. J'avais ressenti après 48 heures, donc je me suis dit... Ouais, mais de toute manière, t'aurais dû... Dès que tu voyais que ça commençait à aller mal, que tu voyais des couleurs et tout bizarre, ouais, t'aurais dû déjà aller voir, consulter un ophtalmo. Hein. À quoi, direct, dès que tu revois vert ou bleu, des machins... Ah ouais, mais de toute manière, t'aurais dû le consulter dès le lendemain, parce que normalement, c'était 12 heures à peine. Hein. Voilà. Donc voilà, Sylvain. Donc, le conseil que je te donne, c'est d'aller tout de suite aux urgences et tu vois. Voilà. Ok. Bon courage à toi. Bon courage. Ciao. Bah voilà, c'était les conseils de Gérard. C'était une première. C'était calme. Hein. C'était, on a eu des conseils qui étaient quand même plus intéressants l'année dernière.